Till it's over, man. Till it's over. Till it's over, over, over. Don't wag it, it's over. C'est comme ça que tu nourris, c'est comme ça que tu donnes du coffre, c'est comme ça que tu nourris. comme ça que tu fais persister. Toutes ces notes, celles que tu n'as pas entendues, toutes ces amies imaginez tes meilleurs amis. Dans le silence et la suspension, tous ces amis qui te ressemblent. Blabla. Et tous ces questionnements qui freinent, qui donnent pourtant l'ampleur du mouvement. Sinon, comment s'atteindre soi-même, comment s'éteindre aussi, comment s'allumer, comment s'illuminer. Comment est-ce qu'on fait? Personne pour moi, personne, comment personne? Comment est-ce qu'on fait? Comment personne, comment personne, comment personne? Comment personne ne sait? Afraid of nothing. Burn it all, burn it all. Out there, in oh. Burn it all, burn it all. Out there, burn it all, burn it all. Burn it all. Vas-y, appelle ton groupe favori là. Tu leur dis que tu veux remplacer le claviériste. Tente des gros trucs. Vas-y, la vie est courte. You're almighty. Run, go for it. Don't it every day. Vas-y, chill. Casse tout. Qu'est-ce que tu veux faire? Avec qui? Dehors? Devant qui? On les tient, on leur casse les dents. Mmh. C'est quoi le rêve? Que dis pas? C'est quoi le trip? On trouvera les moyens, le temps, comme seule richesse d'un capital, comme il s'adresse. Qu'est-ce qu'on en fait? C'est déjà trop tard. Qu'est-ce qu'on en sait? Pendu dans le temps. Vas-y, les petites époques aussi. Va de l'avant, l'enfant. Notre seul trésor. Tic-tac, tic-tac. Et tant pis pour la Rolex. T'as pas compris? Pas de stock option de la vie. Tic tac, tic tac, même la plèbe. Tic tac, tic tac, même la. On fait tous les gens. Tellement. Pareil. Il n'y a pas tellement de différence non plus. Pas tellement. Pas si compliqué finalement. Une barbe peut-être, un instant. De vivre full on. I killed my break. Start full on. What's a mistake is life. I killed my break. Even my devon don't need less than even my leather show. My if all my dress was to bravo, get my devon down. Even my defy, all my leather I'm down. And my trevor above, but why? If my day, my death for your man, my lips at your que j'y pouvais rien faire, pourtant je compte. about. Ferme sur moi. loving it. Thank you. was in the air. Going. my friend, don't give up. Love is in me. You were. Done your lives, don't know you're gonna be hurt inside. Done your lives, don't know. Beware, love is in you. Love is in details, just like evil. Love is in you. Gonna be hurt. Get ready, get just. Get ready, just get out, just get out. Love is. Love is easy.